jure, selon Tongil News, l'Action nationale pour l'annulation de l'accord sud-coréo-japonais sur les femmes de réconfort au service de l'armée japonaise et sa solution juste a livré le 28 juin aux environs de la Maison Bleue à Séoul une manifestation exigeant l'annulation de l'accord sur l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée nippone.